Grand 3. Votre retraite de Châteaudun sur Écommant s'est faite avec un peu trop de précipitation, écrivait au général de Saunis le commandant en chef, qui ajoutait paternellement « Ne vous inquiétez pas de cet insuccès, et n'en prenez aucun tourment. » Il était donc avéré que, sans avoir le droit de s'endormir sur ses lauriers, le 17e corps avait besoin de se refaire de ses stériles efforts. Il lui fut accordé 2 jours de repos que chacun employa à réparer le désordre de sa toilette, ou tout au moins à faire sa toilette. Coquetterie à part, c'était un soin légitime, nécessaire, que le froid qui commençait à sévir ne félicitait point. Curieux spectacle que celui de ces hommes livrés aux occupations minutieuses et variées du ménage. Les uns lavaient leur linge dans un ruisseau dont il avait fallu casser la glace. D'autres le roussissaient au feu du bivouac, sans parvenir à le faire sécher. Beaucoup ajustaient les sous-pieds de leur guêtre ou recousaient des boutons, tandis que j'avais à réparer un désastre. Riche tout juste d'un écheveau de fil blanc, très grossier, je l'étendus de mon mieux le long de mon vêtement rouge en impertinent zigzag. Il nous restait d'ailleurs du temps pour voisiner. À 100 pas de nous se trouvait le parc d'artillerie où quelques mitrailleuses excitèrent notre curiosité. Long cylindre muni de manivelles qui éveillait l'idée d'orgue de barbarie à musique infernale ou de moulin à chair humaine. Le général de Saunis avait placé ses batteries de réserve sous la garde d'une légion bretonne et vendéenne, composée des mobiles des côtes du Nord et des volontaires de l'Ouest. Ces volontaires étaient au moins aussi curieux pour nous que les mitrailleuses, comme tout ce dont on a beaucoup entendu parler sans l'avoir vu. Leur costume était en somme terne et disparate, veste courte et pantalon bouffant, avec un képi à la française, le tout gris de fer soutaché de rouge. L'œil est tellement habitué à voir la chéchia ou le turban accompagner les culottes turques qu'à première vue le bonnet militaire à visière choquait chez les zouaves de Charette. Peu importait l'habit, du reste. À la défense d'Orléans, il s'était déjà signalé. L'honneur du combat de Brou leur revenait en partie. Et ils étaient à la veille de créer leur belle légende, héroïque et sanglante. Ils ne connurent point cependant la rigueur des cours martiales, bien que tous n'eussent pas leur nom inscrit sur l'armorial de France, et ne fussent point soutenus par les plus nobles sentiments. Deux d'entre eux, au contraire, des roturiers évidemment, méritèrent une observation d'un officier, qui était un parfait gentilhomme, de mine et de cœur, allant au feu en grande soirée et en bottes vernies. Cette recherche, loin d'être étudiée, était le témoignage, poussé à l'excès, du respect de soi-même et la manifestation naturelle d'une grande pureté d'âme. Il n'avait pas un blason trompeur, d'azur à une fleur de lys au naturel, au chef d'Hermine. Or, les deux zouaves qu'il avait pris en faute lui répliquèrent à la muette par un geste peu respectueux. Si la scène n'avait eu aucun témoin, elle se fût sans doute terminée là. Le capitaine ne pouvant que reculer devant la honte de motiver sa punition en termes précis, mais quelques officiers et sous-officiers, d'autres zouaves, étaient présents. L'écho du scandale parvint vite aux oreilles du colonel. Avec la décision qui le caractérise, M. de Charette ordonna à son officier d'habillement de se procurer dans le village 2 vêtements complets de paysan. Pantalon de bure, blouse, bonnet de laine et sabots. Sur le champ, les délinquants durent troquer leur uniforme contre un accoutrement, appelant par la coiffure celui des forçats. Ordre est donné au régiment de s'assembler et de former le cercle. Au centre se trouvent le colonel et le capitaine aux Français, devant les deux hommes, désormais indignes de figurer dans la noble légion. Pour solenniser l'exécution des brebis galeuses, le colonel de Charette tient à prononcer un discours qui leur grave la honte dans le cœur et y sème le remords. Il commence d'un ton sincèrement indigné, mais autant il excelle dans la brève éloquence du champ de bataille, qui par un mot, par un geste coupant la mitraille, enlève les hommes, autant il est réfractaire à la rhétorique oiseuse, qui arrondit et enchaîne élégamment et savamment les périodes. Au milieu d'une phrase un peu laborieuse, l'un des condamnés, peut-être pour se donner une contenance, laisse errer à l'ombre de son bonnet, sur ses lèvres, un imperceptible sourire, pas si imperceptible qu'il échappe au colonel. Tant pis, ou tant mieux, la phrase ne sera jamais finie. Le colonel de Charette, d'un air à faire reculer Garibaldi, c'est-à-dire avec un calme imperturbable, en caressant doucement sa longue barbiche, s'avance vers l'impertinent et lui ordonne de faire demi-tour, sans s'expliquer d'abord vers quel but tend le commandement, mais n'en augurant rien de bon, le zouave l'exécute avec tremblement. Aussitôt la botte du colonel s'élève, sa jambe se replie puis s'allonge comme un ressort puissant, littéralement soulevé de terre. Le malheureux zouave est projeté à 4 pas en avant, sur ses pieds qui marchent, qui trottent, qui galopent. Le cercle devant lui s'est ouvert. D'instinct et derrière lui, court son compagnon. Il court aussi vite que les sabots le lui permettent. On que le régiment n'entendit parler d'eux, et depuis lors, nul ne manqua tant soit peu d'égards envers le correct capitaine. Se reposer, bon, tant que c'était indispensable. Mais nous n'étions pas à Capoue, et n'avions pas le loisir de nous y rendre. Nous rougissions de la reculade de Châteaudun, ordonnée sans que notre courage eût été mis à l'épreuve. Et nous avions hâte de regagner le terrain perdu. L'ordre parti le 29 novembre du grand quartier général de Saint-Jean-la-Ruelle fut donc bien accueilli. « Que vos troupes, avait écrit le général Dorel au général de Saunis, se mettent demain en marche pour se diriger sur Coulommiers. Le canon vous servira de guide. » De son côté, le général Chanzy, dont nous devions seconder les efforts, avait pris soin d'envoyer un de ses aides de camp à Saint-Laurent-des-Bois pour conférer avec notre commandant en chef. Escorté seulement de deux cavaliers, cet officier, après une chevauchée nocturne en plein champ et à travers bois, parvint à Saint-Laurent avant l'aube. Le général de Saunis était installé dans une bicoque du village. Il déjeunait avec ses officiers d'ordonnance, en toute simplicité, paraît-il, quand le nouveau venu arriva jusqu'à lui. L'officier du 16e corps lui exposa l'intérêt qu'il y avait à faire concourir le 17e à l'action, qui allait s'engager pour ouvrir la route de Paris. Quoiqu'il parût très fatigué, le général de Saunis se réjouit d'avoir enfin à agir. Ses traits fins s'animèrent au récit qu'il fit de son exploit de Brou, et il déclara que ses troupes, qu'il avait su si rondement mener, seraient marchées de nouveau. En effet, le 30 novembre, le 17e corps rompit au premier jour. Il s'avança méthodiquement en trois colonnes par des routes parallèles, à peine à distance d'un kilomètre les unes des autres. L'artillerie et les convois tenaient la chaussée, l'infanterie escortant à travers champs. De forts pelotons de cavaliers éclairaient notre marche. Ils formaient sur nos flancs comme un chapelet, suivant les accidents du terrain, selon que cordon humain s'étirait plus ou moins, espaçant ou rapprochant tour à tour sur la ligne brumeuse de l'horizon les silhouettes qui souvent se dressaient sur les étriers, la tête en éveil bien dégagée de l'immense manteau étendu du col de l'homme jusqu'à la croupe du cheval. Un instant, ce rideau de vedette s'élargit démesurément, s'éloigna presque à perte de vue. Il se resserra ensuite au petit trot, ayant fait reculer et s'évanouir quelques ombres rapides qui avaient été entrevues à 3 kilomètres. Tout cela donnait de la solennité et du piquant à notre marche, d'ailleurs bien ordonnée et bien exécutée. Il eût été seulement désirable de découvrir à cette scène un décor plus riant, sous une température plus clémente. Comme toujours, la brume ternissait le paysage et le froid sévissait avec rigueur. Une bise glaciale cinglait le visage, pinçait les oreilles, les mains se crispaient sur l'acier des armes. Quelques hommes roulèrent leurs mouchoirs autour de la tête, les bouloués au-dessus de la visière du képi. D'autres, hardiment, en rabattirent la doublure de cuir sur le front et sur les oreilles. Tous nous enfouissions une main dans une poche et l'autre sous le plastron de la capote en marchant l'arme au bras. Armés de manchots, semblait-il au premier abord, mais l'allure était bonne, vive et décidée. Il n'y avait pour nous stimuler ni roulement de tambour, ni sonnerie de clairon, mais le canon nous marquait le pas, nous guidait, nous attirait. Voilà le meilleur métronome du soldat. Au surplus, le nom de Coulommiers, seul nom de victoire, qui eut depuis longtemps retenti, enflammait un peu notre imagination. Coulommiers était, non le terme, mais l'orientation de notre étape. Bon augure, le pas sur les sillons figés était ferme et relevé. Il ne venait même pas à l'idée que nous pussions nous lasser d'avancer sur un sol pourtant si peu propice. Certes, je n'entends pas nier en notre honneur l'émotion des combattants. Les plus braves éprouvent au feu une impression combinée de sentiments et de sensations, que le courage enseigne à dominer sans pouvoir toujours l'étouffer. Mais à distance, la rumeur de la bataille électrise tout le monde. En songeant au coup que chaque décharge porte dans les rangs des siens, on souhaite d'accourir. Une généreuse impatience vous anime et vous pousse. L'ouragan meurtrier ne mugit pas encore à vos oreilles. Le frisson de la mort qui passe au-dessus de vos têtes est loin. L'horreur du carnage ne vous blesse point les yeux. Il n'y a véritablement que des héros qui vont au secours de leurs frères. Tandis que chacun se félicitait en son fort intérieur de puiser une vigueur nécessaire dans l'idée du devoir, le bruit d'une cavalcade résonna sur la terre gelée. L'état-major s'avançait derrière nous. Tous les officiers étaient enveloppés d'épaisses pelisses aux fourrures sombres, d'où les têtes émergeaient à peine. Les képis eux-mêmes ne permettaient guère de distinguer les grades, car les promotions avaient été trop rapides pour laisser aux généraux le loisir de troquer leurs anciens galons contre les lourdes broderies d'or. Cependant, le général de Senlis se faisait remarquer par l'avance qu'il prenait sur le groupe nombreux, non pour indiquer sa suprématie, mais par l'étant naturel d'un hardi cavalier. Rapidement, ils nous atteignent et nous dépassent. Nos regards suivent de loin l'escorte, papillotement de grosses taches blanches et rouges, manteaux des chasseurs, manteaux des spahis. Le goût me fuit. À la suite des képis galonnés et luisants, il s'engouffre dans la rue d'un village, et jusqu'au dernier cavalier disparaît. Telle fut l'unique et courte vision que nous eûmes de notre chef suprême.